dei di Ariel. St. James del Piolo gli disturna. Bussare la mamma di Kika. Allem de Secche. Bébé, on voit qu'il va là le jour d'après. Et que les quatre et l'eau qu'on a déjà. Fais le connu, bassin, ça va jouer, et puis tout. Ils ont yaté. Aïe, pour la vie. Travaille mes fixes, les menaces, les commencer, mille loups. Je t'adore.